sorcière siècle. Sur la terre, la vie était très paisible. Les hommes de tous les continents vivaient en toute liberté. Il n'y avait pas d'argent, ils avaient tout de la nature. Ils se nourrissaient des végétaux, de la pêche, des produits de chasse. C'était l'époque primitive et l'argent n'avait pas d'importance. Le beau vieux temps de la belle époque. De nos jours, tout a changé. C'est l'époque de la grande ville. Et le souci majeur de l'homme moderne, c'est l'argent. De nos jours, tout a changé. C'est l'époque de la grande ville. Et le rêve de tous les hommes actuels, c'est la partie. Écoutez-moi ça. Yeah. L'argent qui est-il? L'argent d'où tu viens? L'argent qui t'a créé, qui domine le monde? Pour bien vivre, l'argent, la vie d'aujourd'hui, l'argent, la vie sans souci. Partout dans le monde, l'argent, pour être riche, l'argent, dans le monde des affaires, l'argent, tu rêves de tout, l'argent, toutes choses ici-bas, l'argent, tu veux une villa, l'argent, la plus belle bagnole, l'argent, la plus belle femme, l'argent, le plus beau mari, l'argent, pour aller danser, l'argent, si tu aimes l'ambiance, l'argent, tu veux voyager, l'argent, dans tous les pays, l'argent, l'argent qui est-il, l'argent d'où tu viens. L'argent qui t'a créé, tu domines le monde. Tu es un bon serviteur, l'argent, un mauvais maître, l'argent, tu détruis l'amitié, l'argent, tu divises les familles, l'argent, tu brises les carrières, l'argent, tu attires les amis, l'argent, ceux qui sont en exil, l'argent, beaucoup en aventure, l'argent, d'autres en prison, l'argent, les malheureux cimetières, l'argent, tout le monde t'aime, l'argent, tout le monde t'adore, l'argent, et malgré cet amour, tu as de l'injustice, l'argent, tu rends les uns riches, l'argent, tu laisses les autres pauvres, l'argent, on a beau t'aimer, l'argent, tu as des préférences, l'argent, tu rends les uns heureux, l'argent, les autres miséreux. L'argent qui est-il, l'argent d'où tu viens, l'argent qui t'a créé, qui domine le monde. Thank you. Nzoto, Bongo. Na tango.